pourquoi. C'est vrai que certains de nos présidents commencent à ne plus accorder un intérêt particulier à ces médias. Beaucoup ont choisi d'ailleurs Afrique Média pour communiquer. D'autres y vont encore, en tout cas, comme disait quelqu'un, la fin de toutes choses est proche. Alors, pendant ce temps, du côté donc de Quai d'Orsay, on réfléchit, mais alors sereinement, comment mettre sur pied un média alternatif, vu qu'on a, tout le monde le sait, du moins ils le savent déjà, président Manakanim, RFI, France 24, ça ne passe plus trop sur le continent africain. Il faut donc créer un autre média alternatif qui sera la voix de la diplomatie française sur le continent africain. Avant peut-être que de vous prononcer là-dessus, est-ce que le mouvement citoyen au Burkina Faso, tel que l'a présenté M. Janvier Momo, est véritablement aujourd'hui en train de mettre en place une dynamique qui va permettre aujourd'hui à ce que le discours panafricaniste soit véritablement réintégré dans ce pays? C'est évident, le mouvement il est en marche. La dynamique qui est au Burkina Faso est une dynamique qui est moins bruyante, qui va lentement, mais qui commence à devenir un mouvement de fond, au niveau des populations. Parce qu'elles ont identifié leur ennemi. Les manifestations qui sont organisées par la société civile au Burkina Faso a bien défini que l'ennemi du Burkina Faso, c'est la France. Ce n'est pas nous qui leur avons dit de faire ça, c'est ce qu'ils disent. C'est ce qu'ils démontrent dans leur pancarte, tous les jours ils manifestent. D'ailleurs, la diplomatie française a reconnu ça. Donc, ce n'est pas nouveau. Donc, sauf à vouloir remplacer les Burkinabés et dire que c'est la France qui détient la place du Burkina Faso, bon, on constate le fait qui est que la population dit que l'ennemi, c'est la France. Voilà. Bon, on assume ça, on a pris notre part là-dedans, on a travaillé, on assume ça. On assume. Nous sommes contents qu'elle dise ça, on assume ça. Travailler, on est content de faire ce travail-là, parce que c'est la vérité historique. Et le comportement de la France le prouve matin, midi, soir. La France travaille, c'est-à-dire que souvent je dis que bon, souvent allons nous reposer tranquillement. La France travaille pour nous. C'est-à-dire que souvent même il faut avoir le temps d'aller dormir, même vous oublier. Parce que la France travaille pour nous. Ils sont tellement idiots. La classe politique française est tellement nulle, idiote et incapable de la. Elle travaille sa propre chute. Vous êtes gentil quand vous dites ça. C'est-à-dire, vous le dites poliment. Je vais décrire ça autrement. C'est-à-dire que, bon, c'est normal, c'est propre d'un grand journaliste, hein, d'enrober les mots et les phrases. Donc je veux dire qu'elle est. Elle est incapable d'insulter. La classe politique française ne peut pas faire mieux. Elle ne peut pas se remettre en cause. C'est un phénomène structurel profond. Pour comprendre comment la classe politique française est fabriquée, comment elle est formée, comment on fabrique les hommes politiques en France. Pour comprendre pourquoi elle n'est pas à mesure de se remettre en cause. On doit se remettre en cause dans l'histoire. Les hommes politiques dignes de ce nom se remettent en cause. Une société se remet en cause. Soit elle anticipe les révolutions, soit la révolution la remet en cause brutalement. Mais vous ne comprenez pas comment est-ce que la classe politique française ne peut pas se remettre en cause. Elle ne peut pas. C'est une malédiction. Ce sont des gens d'une incompétence pas possible. Donc, ils travaillent pour nous. Est-ce qu'il y a une meilleure façon de renforcer la dynamique burkinabé que le fait que la France est en train de faire? Moi, je vous pose la question. Est-ce qu'il y a une meilleure façon de renforcer le mouvement burkinabé, comme ils appellent ça? Sentiment anti-français. Bon, prenons leur mot. Hein. Bon, est-ce qu'il y a une meilleure façon de renforcer le sentiment anti-français que ce que le comportement, que la France est en train de faire? Alors, non, on laisse tranquille, on boit du petit lait, on attend que ça avance et nous on encadre seulement. On encadre, on informe, on donne les conseils. Parce qu'ils travaillent pour nous, mieux que nous. Et ça, pour comprendre ça, il faut rentrer dans la théorie de l'histoire. La malédiction de l'oppresseur. Si on va analyser ça du point de vue de Steve Biko, l'ami de Mandin. Mais si on veut aller plus, si on veut seulement prendre la science des contradictions, appelez ça sous le matérialisme historique ou bien matérialisme dialectique, cette science nous apprend que quand un système arrive à un certain niveau de son évolution, de sa maturité, il n'y a pas de marche arrière possible. De marche arrière possible. C'est ce qu'on vit avec les Français. Alors, donc, il se passe donc quoi? Face à une telle réalité, face à... Ce n'est pas une impasse même, c'est plus que l'impasse. C'est-à-dire un blocage. C'est-à-dire qu'on est dans un cul-de-sac historique. On est dans un cul-de-sac. Il reste quoi? L'arme, c'est quoi? Le mensonge. Le président Poutine a appelé ça l'empire du mensonge. L'empire du mensonge, c'est quoi? c'est un empire qui a pour le mensonge, pour mode de vie. Mode de vie. C'est-à-dire, quand ils mangent à table, ils mentent. Ils dorment, ils mentent. Ils prennent leur bain, ils mentent. C'est-à-dire, tout ce qu'ils font, ils mentent. C'est ça l'empire du mensonge. Ils mentent parce que ce qu'ils infligent aux autres est tellement inhumain et sadique qu'il faut embellir ça. Il faut transformer ça par le biais du mensonge. Empêcher que les populations vampirisées et qu'on fait croire qu'on est un grand empire parce qu'on est trop intelligent. On est le peuple élu de Dieu. On est né intelligent. On a les yeux blonds et bleus. C'est pas? Donc, et quand en face, il y a des sauvages au bord de l'empire, à la périphérie de l'empire, il y a des sous-hommes que si on laisse, n'est-ce pas, ils vont contaminer la civilisation, n'est-ce pas, qui est incarnée par l'empire. Ça permet de tenir le peuple, n'est-ce pas, derrière, de les aligner derrière un pouvoir impérial diabolique, n'est-ce pas, on les aligne derrière, par le mensonge. Le mensonge permet de fédérer les classes dirigeantes et les classes exploitées, n'est-ce pas, de la société. Si on veut citer la société française, par exemple, si on prend le cas de la France, il faut qu'il y ait un discours de mensonge pour fédérer les Français derrière l'État français. Pour qu'ensemble, ils meurent, ils finissent ensemble. C'est-à-dire que c'est-à-dire, parce que si les Français ont accès tous à la réalité de leur pays, mais ça va sauter. Ça va sauter. Donc, ils doivent mentir. Ils mentent. C'est l'empire du mensonge. L'empire ment parce que il ne faut pas qu'elle se présente dans ce qu'elle est. C'est-à-dire qu'un architecte de crime, une criminocratie, elle doit mentir. Il doit mentir, pardon. Alors, nous parlons, je vais prendre un exemple. Pour vous comprenez bien ce que je suis en train de dire. Je ne sais pas comment on appelle ce truc-là qui est à l'Union Européenne. Là. Cette femme-là, vraiment. C'est-à-dire que ce malheur-là, qu'on appelle von der Leyen. En tout cas, l'autre jour, dans un discours, elle fait un lapsus. C'est un peu un lapsus. Elle dit qu'il y a plus de 100 000 morts en Ukraine. Que l'Ukraine appelle, la Ukraine appelle plus de 100 000 hommes. Alors elle se ressaisit, c'est à sortir, elle se rattrape, mais elle a déjà dit ça. Tu vois? Pourquoi c'est grave? Parce que la propagande, non en fait, ce qu'ils appellent l'information, c'est-à-dire ce que tous les journalistes là, dans leur génie, racontent matin, midi, soir, aux Occidentaux, aux Français, sur la guerre d'Ukraine, tu vois? Mais là, sur le fond, ils viennent de montrer au monde, viennent de leur montrer que mais on nous a menti sur toute la ligne. Rappelez-moi, on veut rattraper, mais les gars, tard. Mais ils ont quand même le courage de vouloir rattraper. Hein. Ils veulent quand même rattraper ça. Alors que c'est irrattrapable, mais ils veulent quand même rattraper. Donc, on a fait boire aux gens des tonnes de mensonges que nous, en Ukraine, vraiment, l'armée ukrainienne est professionnelle, elle fait ce machin. Alors que c'est une armée qui n'existe même pratiquement plus. Tellement, elle a perdu d'hommes. Comme on dit sur nous, ça la prend comme ça en plein Union européenne. Elle est obligée de dire la vérité. Donc, l'empire du mensonge. Donc, la France a un problème au Burkina Faso. Un, la France ne veut pas qu'il y ait un deuxième épicentre qui ressemble à l'épicentre malien. Parce qu'il est trop bon que le Mali soit seul. Je suivais le discours officiel qui est là, que c'est une junte antidémocratique, machin, tout ce qu'on raconte là. Bon, plus le Mali est seul, plus c'est bien de là, facile de la stigmatiser. Mais de montrer que, bon, c'est une singularité qui n'est pas le fait de tout le continent africain. Mais, manifestement, tout montre que le Burkina Faso va dans la même dynamique que le Mali. Et ça, indépendant même du président de transition, hein, le président Traoré, je dis bien indépendamment de lui, même si ses premiers pas sont encourageants. Donc, il y a ce problème-là que la France est en train de gérer, qui est compliqué. Et qui est impossible à gérer. Mais Fabrice Dumbuz aussi peut-être voir leur place. Ils ne peuvent que mentir. Ils sont obligés de mentir. Parce que qu'est-ce qu'ils vont faire? Un, tout à l'heure, vous avez vu la semaine dernière, il y a la semaine dernière, je crois, la visite de Mme Nouland, c'est quoi? C'est Mme Nouland, non, qui était au Burkina Faso. Et la sortie même de la diplomatie américaine qui menace carrément le Burkina, lui interdisant de traiter avec la Russie. Vous croyez que c'est le hasard? Ce n'est pas le fait du hasard. Macron n'était pas aux États-Unis dernièrement. Il n'est pas là-bas. Il y est encore. Parce que moi, je ne suis même pas sauf ce type-là. Vous croyez que c'est le hasard? Ce n'est pas le hasard. C'est la peur bleue de la diplomatie française en général et son parrain américain. La peur bleue. Et si le Burkina Faso basculait totalement dans la dynamique malienne, comment on va faire? C'est un problème. Donc, Donc, il faut déstabiliser la transition. C'est aussi clair que ça. Mais c'est l'objectif géopolitique raisonnable et rationnel. C'est compliqué à comprendre. C'est le plan, de la rationalité géopolitique française. Il est normal. Elle dit qu'elle ne peut pas faire autrement que de déstabiliser M. Traoré. Par contre, qu'est-ce qu'on observe? C'est l'autre qui a raison. Il y a des altermoiements au niveau de la transition burkinabé qui sont inquiétants. Et il faut qu'on le leur dise. Parce que quand moi, j'avais commencé à interpeller ici le type, l'étranger qui est chez lui là, qui est parti chez lui là, les gens pensaient que c'était la blague. Parce qu'il ne faut pas rater un moment dans la lutte, c'est très dangereux. Il faut choisir un camp, tu restes là, tu meurs là. C'est la base d'une conviction assumée, base de fait. Donc, les populations sont claires depuis, disent que notre ennemi, c'est la France, est dérangée, il faut en finir avec ça, aller faire la partenariat avec les Russes. La population est claire. Mais les gens jouent. Le problème, pendant qu'on suspend RFI, le premier ministre qui est là, qu'est-ce qu'il dit? Il demande à la France de fournir les armes. C'est sérieux ça? Non, c'est ça le problème. Vous voulez, c'est sérieux? C'est ça, président. C'est ça, nous parlons, ils nous écoutent. C'est sérieux? Pour savoir ce qu'on veut. Regardez à Simigo, comment il se comporte. Oh, les Français. Il faut savoir ce qu'on veut. Pour que vous suspendez un RFI, votre premier ministre demande de dire que donnez-nous les armes. Mais on vous donne les armes pour faire quoi? Ça veut dire quoi donner les armes? Vous demandez les armes à la France pour faire quoi? Pour lutter contre la France? Il est même sérieux. Tous les rapports de l'armée burkinabé secrète d'état-major sont clairs. On sait où vient les terroristes. On sait que les encadrent. On connaît tout ça. Alors, vous voyez donc que, pendant que vous doutez, la France, qui a la mémoire de l'armée burkinabé, la France a la mémoire parce que c'est elle qui a organisé cette armée depuis longtemps. Et sous 22 ans de comporel, elle s'est encore installée là-bas. La France qui sait que l'armée burkinabé, c'est une agglomération de blocs antagonistes. Conglomérat, oui. Une juxtaposition de blocs antagonistes. Pas une armée réellement unie, mais c'est très facile à déstabiliser. C'est très facile. Elle va juste sur les allégeances anciennes qu'elle a dans l'armée burkinabé. Elle en a tellement. Les factions, n'est-ce pas, qui étaient dirigées dans un début par le voyou qui est parti là. Par Damiba. Même s'il n'est plus là. Ils sont là. Ils sont là. Et ils vont saisir. Ils peuvent avoir l'occasion de vouloir reprendre les choses en main. Il faut être clair. Il faut être clair. Donc, c'est une révolution qui est dans une dynamique, révolution entre guillemets d'ailleurs, qui est dans une dynamique de, comment on appelle ça, de doute, qui est dans une dynamique où elle n'est pas sûre d'elle-même. Je parle du leadership. Alors que la population a réglé ça, a compris ce niveau-là. Donc, la France profite de ça pour déstabiliser. La France, il est clair. Est-ce qu'il y a un débat à faire sur RFI? Il y a un débat à faire sur RFI? Manel, lui, c'est un professionnel, il est journaliste. Quand on entend le rattrape, Bertrand, il dit que c'est une faute. RFI n'a commis aucune faute. Il y a quelle faute? Elle a fait quelle faute? C'est le contraire qui nous aurait amené à dire qu'elle a fait une faute. Il n'y a pas de faute ici, Mandel. Il n'y a pas de faute ici. Le problème de l'Afrique que nous avons aujourd'hui, c'est un problème grave au 21e siècle. Quand les Chinois nous regardent, quand les d'autres pays nous regardent, ils se demandent mais comment ils font pour suivre RFI chez eux. Mais c'est un indicateur, pas seulement, c'est même un indicateur anthropologique, majeur. Nous sommes des Français. La France, au-dedans de nous, il sait à qui crée comme ça, ça s'appelle son ami philosophe qui est le plus là, et Bossi Boulaga. Et la France, au-dedans de nous. La bataille, c'est d'enlever la France au-dedans de nous. Vous faites comment pour que, c'est-à-dire, je vous dis que moi, j'ai parlé avec les Chinois. Vous parlez, d'autres pays là, quand tu regardes, mais président, c'est pas impossible ça. Elle dit, vous regardez les gens, comment vous faites pour suivre RFI? Comment c'est possible que historiquement, vos sources d'information soient RFI? Comment c'est possible qu'un Africain sérieux suive RFI? Ça montre l'état moral des Africains. Non, c'est comment on le sait. Nous, maintenant, nos démarches te concernent, nous savons ça. Non, c'est ça. Vous êtes en train de voyager, vous arrivez à bord, ça m'arrive constamment. Quand je prends mon... Bon, je ne vais pas faire publicité. Touristique, je prends souvent ça, sans publicité. Mais je vais faire publicité, non. Je voulais dresser la facture. Hein. Vous arrivez à bord, vous sortez, mais les voitures viennent là. Président. Donc tu t'assois, il veut me faire plaisir, il met RFI. Pour lui, ça, c'est oui, pour lui, je lui dis, enlève la petite salle de ta voiture. Non, président, c'est ton niveau là-bas. Bon, il faut que durant tout le trajet, je me gosille à rééduquer ce monsieur. Quelqu'un qui a un vieux père de 60 ans. 40 ans. Oui, Mandé, oui, mais c'est un fait. Je parle du fait. Je ne vais pas dire que c'est sa faute, mais ça nous renseigne sur l'état de la société. Vous vous rendez compte? Les Africains. Mais ce qu'on fait, nous, les Africains, c'est un miracle extraordinaire, ce qu'on entend faire pour obtenir de tels résultats dans un pareil contexte. Parce que ce n'est pas possible. C'est-à-dire que ce qui est anormal, c'est que RFI se retrouve dans les médias français se retrouvent dans une telle situation de monopole. C'est incroyable. Dans en Afrique, c'est ça qui n'est pas, explicable. Mais parce que souvent, les dirigeants jouent comme ça. Une suspension à titre provisoire. Qu'est-ce que ça veut dire? Donc, ça montre le déséquilibre, n'est-ce pas, du rapport de force en matière d'information qui est une réalité. Et il faut régler ça rapidement. Un des défis de l'avenir, c'est de régler ça. Ne comptez pas sur moi, pour vous dire que non, ils ont fait l'erreur ici. Quel est fait? Je ne sais pas, je n'ai pas le temps sur le factuel. Non. Si vous ne voulez pas le temps sur le factuel, demandez, c'est-à-dire qu'on a dépassé ce niveau. RFI ne peut pas faire autre chose que ce qu'elle fait là. On a démontré ce que c'est une armée, mais qui fait la guerre médiatique. C'est une armée. L'armée, c'est fidélité, honneur. RFI travaille pour les intérêts de la France. C'est clair. Leur mission, ils sont payés pour ça. Alors maintenant, la technique pour faire ce travail, c'est autre chose. On fait les faux débats contradictoires, les faux débats contradictoires. Pour tromper, il n'y a aucune contradiction à RFI. Non, jamais. Il n'y a aucune contradiction à France 24. Jamais. Et de temps en temps, on prend une tête de noix, mais là, pour dire des bougies. Tout ça, c'est organisé, on connaît. RFI ne fait pas de l'information. RFI fait la propagande de guerre. Ou bien, si on veut faire la politique, c'est l'information de guerre. Est-ce que l'information de guerre peut être juste? Mais ce sont des médias conçus pour faire la guerre. Parce que la guerre, c'est une guerre d'influence, c'est une guerre de maintien du précaré, c'est une guerre pour lutter contre la Russie. Mais là, ils ont décrété que non, n'existe plus. Hein, que maintenant, c'est l'influence russe. Vous avez vu le saut? Qu'ils ont fait? Le saut qu'ils ont fait maintenant? Que non. A dit que. L'Afrique est finalement substituée. Non, c'est plus grave. C'est-à-dire que le malaise est clair pour ça. Je vous dis pourquoi. Le petit garçon d'Elisa, il a fait deux erreurs majeures. Il n'a pas pu. Ses parents nous reprochent ça. Bon, est-ce qu'il a fait trop ou pas au regard des intérêts qu'il défend? C'est un autre débat. C'est-à-dire que la question, c'est comment on n'a pas vu venir ça? Pourtant, ça s'est passé devant nous, on voyait comment ça montait. Comment on n'a rien fait? Alors, c'est vraiment mal à l'aise que il faut donc rapidement démontrer que ce n'est pas une initiative des Africains. Ouais. Je vous ai dit l'ampleur du mensonge. Ils ont le courage de fermer les yeux sur la réalité qui est que quand on commençait à faire l'essai, il n'y a pas de Russes. Il n'y a pas encore l'opération en Ukraine. Il n'y a pas encore, entre guillemets, le retour de la Russie en Afrique. Quand on a commencé à la faire ici, on l'a imposé. La Russie, ça commence. On ne va pas dire la Russie là. Ça fait peut-être 2 ou 3 ans. Ça fait 2 ou 3 ans. Ça fait plus de 10 ans qu'on est ici. Vous vous rendez compte? Mais cette réalité tellement massive, après Zoom, pour montrer à quel niveau ces gens sont des malades mentaux et qu'ils n'ont rien à attendre d'eux. Mais M. Macron et la diplomatie française, guillemets, quoi qu'elle peut effacer ça. Et mettre la tête du monde entier que non, ces gars-là sont manipulés par les Russes. Et tout le travail, c'est dans ça qu'ils sont en train de faire. Tout à fait. Pourquoi on fait ça? Il sait qu'il ment, mais comme il est lui-même le mensonge. Mais c'est sa nature, il ment, il a le mensonge, il ment. On dit que c'est leur fond, non? C'est leur propre fond. Il ment comme ça. Donc, il faut rapidement substituer ça. Il faut dire que non, ce sont les Russes. Ça revient dans le problème de ce nouveau média tout à l'heure. Je voudrais que vous voyez comment je me pose la question. Mm-hmm. Mais le nouveau média va servir à ça. Parce qu'il faut d'abord justifier pourquoi un nouveau média. Mm-hmm. Est-ce que RFI, 24, ont échoué? Est-ce que Macron peut dire ça? Jamais. Bon, est-ce que c'est lui qui évalue ça? Est-ce qu'il peut dire ça? Ce sont les médias détaillés. Il va partir bientôt. Il passe. Bon, le nouveau média, c'est quoi? C'est justement la bataille qu'il faut mener. Démontrer que nous sommes stipendiés par les Russes. Démontrer que nous ne sommes pas capables de mener un tel débat. Démontrer que nous ne sommes pas... d'être supérieurs à Macron et toute la clique des ministères qui l'ont entouré depuis les années là. C'est-à-dire que, en fait, la diplomatie française a une honte terrible. Fabrice, comment est-ce que ces gars-là sont plus intelligents que nous? Nous avons pris la Chine, bien, on a pris les Inzou. Ouais. Tous ces gens-là, on a massé, mettre là à côté. Quand on dit que non, ce sont les vrais intellectuels africains. Ouais. Mais comment, malgré tout ça, ces gens-là derrière là, nous dépassent. Ils nous battent. On le débat. Quoi l'affaire? C'est-à-dire que. Donc, il faut créer un média. Dans, bon, ça, c'est dans le titre qui va essayer de conforter, de porter ça. Mais ça me fait rire parce que d'abord, la guerre a commencé entre les gens de RFI France 24 et d'autres médias pour dire que bon, nous, on n'est pas dans ça. Oui. Ils sont contre le projet. Mais ils savent ce que ça veut dire. Pour eux, ça fait semer des insultés. Ça a commencé entre eux. Bon, maintenant, deuxièmement. Macron et la France, ils ont quelle capacité de nous affronter? Quelle capacité? À partir du moment, je vais sortir par là, à partir du moment où M. Macron a ouvert sa bouche lui-même à France 24, à RFI, il a dit à Jeune Afrique, qui a repris pour dire que nous sommes stipendiés par les Russes. Le débat était clos, M. Boubou. C'est vrai. Le débat était fini. Ouais. Puisqu'il ment. Oui. Non, qu'il ne peut pas prouver. Elle dit que, c'est, ouais, le plus, si, elle dit que l'audience était petite. Tous ces gens-là ont essayé, leurs intellectuels soi-disant, tout s'est abattu. Macron, lui, prend celui, président de la France. Il dit que non, ces gens-là sont payés. Parce que c'est pas dire que nous sommes des mercenaires. Mm-hmm. Payés. On ne réfléchit pas. Hein. Mm-hmm. On est payés et les Russes écrivent, nous, on récite, on vient les lire. Que nous sommes stipendiés par la Russie. Ça continue lors de sa prétendue visite au Cameroun. J'ai oublié. Il nous attaquait directement en disant que. Ce n'est pas le journalisme. C'était pas le journalisme, oui. Mais ça qui montre qu'on est au-dessus d'eux. Vous les avez battus depuis très longtemps. Maintenant, il faut avancer. Sinon, on continue maintenant à regarder en arrière. On n'a rien compris. Ça dit que malgré tout ce qu'ils ont là, malgré le fait qu'ils sont en situation de monopole en termes d'information médiatique sur le continent africain, malgré tout ça, on les bat. Donc, ce sont des idiots. Donc ce sont des incompétents. Comment avoir autant de moyens? Vous n'arrivez pas à faire face. Donc c'est pour ça que j'ai dit que cette affaire, si ça ne te joue pas là où il croit, on est dans une saison où la géopolitique ne se joue pas là où il croit. D'accord. Pendant très longtemps, ils ont maîtrisé, entre guillemets, la géospiritualité de la géopolitique. C'était leur géospiritualité qu'ils imposaient. Mm-hmm. Leur logique que vous connaissez là. Vous connaissez ça, la logique qu'ils font dans leurs ordres, dans toutes les bêtises là. Maintenant, ils ne comprennent pas ce qui se passe. Comment est-ce qu'on peut expliquer que nous, on a tous les moyens, tous les atouts, mais ça ne va pas, on n'arrive pas à s'en sortir. Mais qu'est-ce qui fait la force de ce mouvement? On ne le dira jamais. On ne le dira jamais. C'est pour ça que, comme je dis là, qu'il s'agit au Mali, en Centrafrique, au Burkina Faso, ils perdent le temps, ils ne réussiront pas. Cette dynamique est irréversible, n'est-ce pas? Et rien ne va faire tomber cette transition burkinabé si M. Traoré continue dans la trajectoire qu'il a commencé, à savoir, un, écouter la base, de se rapprocher de son frère. Comment il a commencé? Oui, allô, bon. Parce que c'est Assimi Gota qui peut lui donner les astuces. Oui. Parce que lui, il a l'expérience. Il a déjà des victoires, il connaît. De l'astuce, comment on sort, on gère une situation où tu prends le pouvoir et tu n'as pas tout la main derrière toi. Et tu as une partie de la même qui est manipulée par l'étranger. Comment tu t'en sors d'un palais de test? Assimi Gota a la capacité de l'aider dans ce sens-là. D'accord. Son avenir, j'étais que je me suis, hein. Mon avenir, c'est Assimi Gota. J'avais dit ça à David Bala. Il n'a pas compris. Il lui dit que ses jours sont comptés. Je le dis aujourd'hui à M. Traoré. Que son avenir dépend. Avec tout l'estime que j'ai pour lui. Son avenir, c'est le Mali. Qui regarde le Mali? Parce que la situation de l'armée Kidnappée est pratiquement un peu ce qui s'est passé. Au Mali, avoir le même tuteur en France qui veut déstabiliser. Tout à fait. Pour rester. D'accord. Afrique Média. Le monde, c'est nous.